L'actualité à Nancy et ailleurs. La boîte à cuisine de l'association Accueil et Réinsertion Sociale et la ville de Nancy commémore le 80e anniversaire de la libération ce mercredi 18 septembre avec une journée portes ouvertes. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Moïse Lemans. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle, vous, à la boîte à cuisine ? Actuellement, je suis le chef de la boîte à cuisine, donc qui donne les cours de cuisine pour les gens en précarité, isolement social, handicap, et aussi le mardi soir, nous avons les étudiants. La boîte à cuisine, ça existe depuis longtemps ? Ça a été créé fin 2021. Voilà, donc c'est relativement récent. Oui, c'est ça, c'est tout à fait récent comme projet, mais qui fonctionne très très bien. Vous l'avez dit, des ateliers, vous pouvez un peu détailler un peu ce que vous faites à la boîte à cuisine ? Ce sont des ateliers solidaires, donc pour apprendre à cuisiner avec des produits frais, des produits qu'on a tous dans notre frigo, mais qu'on ne sait jamais comment vraiment cuisiner. Donc là, moi, je suis là pour apporter toutes ces connaissances culinaires et apprendre correctement à bien manger. Vous touchez un public très très large. C'est ça, ouais. Tout un public vraiment en précarité, dans les même isolés socialement, les étudiants, comme je disais tout à l'heure, et même en situation de handicap. Et donc, ce mercredi 18 septembre, vous faites une journée porte ouverte. Comment ça s'est organisé, ça, et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans nos locaux, nous avons une peinture qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui retrace le parcours d'un GI américain, donc de Washington à la libération de Nancy. Ça se trouve où, la boîte à cuisine ? Donc, c'est au 258 avenue de Strasbourg. Donc, la journée sera porte ouverte. Donc, à partir de 10h jusqu'à 18h pour venir découvrir cette fresque au sein de nos locaux. Et à 14h, il y a aussi une lecture d'un citoyen de Nancy qui a vécu la libération. Et cette porte ouverte, donc, ça va aussi permettre de faire connaître le lieu qui est peut-être encore un peu méconnu des Nancéens? C'est ça, tout à fait. Il est encore assez méconnu, mais voilà. Venez découvrir ce lieu magnifique qui est la boîte à cuisine et cette fresque. Et moi, je vous attends demain de 10h à 18h, sachant qu'à midi, il y aura un petit buffet franco-américain. Donc, on pourra poser toutes les questions, découvrir le lieu. Merci beaucoup, Moïse, pour cette découverte et rendez-vous demain. Et rendez-vous demain. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.